Les matelots du bateau battant pavillon jamaïcain New Global se sont réunis le 26 au port de Tongjin pour célébrer les 63 ans de la grande victoire du peuple coréen dans la guerre de libération de la patrie. À la suite des allocutions, ils ont adopté une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.